Et en cette période dite de post-vérité, pourquoi est-il si difficile de réimplémenter de la raison dans notre approche de l'information, démultipliée par les réseaux que nous fréquentons de plus en plus assidûment, les réseaux sociaux? Peut-être parce que nous sommes, dans ce bombardement informatif, de plus en plus victimes de nous-mêmes, à savoir de nos biais cognitifs. Et que les pourvoyeurs de fake news jouent consciemment ou non sur ces distorsions intérieures qui déforment notre perception du réel. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui un petit guide pratique pour réapprendre à penser contre soi. Biais cognitif, la fabrique des histoires, c'est le programme inhibiteur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour essayer de remettre tout ça d'aplomb et de débiaiser ces petites cellules grises du mieux possible, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Stefano Palminteri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en neurosciences cognitives, chargé de recherche INSERM dans l'équipe apprentissage du renforcement du laboratoire neurosciences cognitives et computationnelles de l'École normale supérieure de Paris. Et vous serez rejoint dans quelques instants par Olivier Houdet, qui est professeur de psychologie à l'Université de Paris et directeur honoraire du laboratoire CNRS de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Mais avant de plonger donc dans les méandres de notre capacité à nous manipuler nous-mêmes, elle est l'objectivité pure, l'incarnation de la recherche scientifique totalement épurée de tout biais, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, eh bien, une étude à paraître dans The Astrophysical Journal, une équipe internationale vient de détecter trois trous noirs supermassifs qui s'apprêtent à entrer en collision. Et ça fait longtemps que l'on cherche à observer ce phénomène, car jusqu'à présent, on n'avait eu que des soupçons. Pour la première fois, on a une détection évidente. À 1 milliard d'années-lumière de notre Terre, un système de 3 galaxies est sur le point de fusionner. Dans cette étude, les indices de plusieurs télescopes, terrestres et spatiaux, ont été réunis. On a déjà détecté la fusion de 2 trous noirs supermassifs, mais on manque de données pour comprendre exactement les mécanismes en œuvre. Quand 2 galaxies entrent en collision, on s'attend à ce que 2 trous noirs se rapprochent l'un de l'autre assez vite. Mais une fois qu'ils sont assez proches, on explique mal comment ils finissent par se rapprocher pour fusionner. C'est ce qu'on appelle le problème du parsec final. Parmi les solutions envisagées, il n'y aurait pas 2 galaxies en collision, mais 3. Alain Riazuelo est chercheur CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il est l'auteur de l'ouvrage « Les trous noirs à la poursuite de l'invisible ». La difficulté, c'est comment 2 trous noirs, une fois qu'ils sont à quelques années-lumière l'un de l'autre, arrivent à se rapprocher encore plus. Et donc, parmi les possibilités qui ont été envisagées, c'est le fait qu'on ait 2 fusions successives de galaxies, le fait qu'il y a une 3e galaxie qui fusionne avec les 2 premières dans un temps relativement court. Dans ce cas-là, on va avoir un balai non pas avec 2 trous noirs, mais avec 3 trous noirs. Et donc, la façon dont ces 3 trous noirs interagissent les uns avec les autres fait que, par exemple, un des trous noirs va provoquer, du fait de leurs interactions gravitationnelles, le rapprochement entre les 2 autres, lui étant, par exemple, expulsé de la galaxie. Et donc, il sert d'intermédiaire, si vous voulez, d'entremetteur pour permettre à 2 des trous noirs de se rapprocher et, en conséquence, lui être expulsé de la galaxie. Donc au final, effectivement, on est parti de 3 trous noirs proches les uns des autres à 2 trous noirs qui fusionnent et un qui disparaît totalement de la galaxie et qui devient quasiment indétectable. Ça peut dire à quel point ce scénario avec 3 trous noirs est fréquent ou relativement rare, auquel cas il faudra trouver un autre scénario qui explique comment les 50-70% de galaxies qui ne fusionnent pas 3 par 3, font pour évoluer. Voilà, et puis le lien vers l'étude originelle, celle qui a été publiée dans The Astrophysical Journal, et vers toutes les études dont il est question dans le Journal des Sciences, ainsi que dans le reste de l'émission à la méthode scientifique, c'est à retrouver, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. En Europe, près de la moitié des espèces d'arbres est menacée d'extinction. L'Union pour la conservation de la nature vient de publier une liste rouge des arbres européens. C'est la première fois qu'on évalue la biodiversité arboricole en Europe. Sur les 454 espèces d'arbres, 42% apparaissent sur cette liste rouge et 15% sont classées en danger critique d'extinction. Parmi elles, les sorbiers, les marronniers et une variété de lauriers. Dans les causes évoquées dans ce rapport, les espèces invasives, mais aussi la déforestation, l'extension des terres agricoles, les incendies, le dérèglement climatique et le tourisme. Une liste mondiale des espèces d'arbres menacées est attendue pour la fin de l'année. Lorenzo, l'ouragan le plus puissant jamais observé en Atlantique, se dirige vers l'Europe. La trajectoire d'un cyclone est difficile à prévoir, mais il devrait atteindre les îles britanniques et peut-être les côtes bretonnes d'ici vendredi. Lorenzo va aussi perdre de sa puissance en cours de route. L'ouragan, qui était de catégorie 5, la plus haute, est déjà en train d'être classé en catégorie 2 ou 3. Les météorologues prévoient une tempête violente avec une vitesse de vent à plus de 300 km/h. Et dans la revue Current Biology, une équipe californienne vient de découvrir 8 nouvelles espèces d'extrémophiles. Ce sont des espèces de nématodes, des vers microscopiques qui vivent dans le lac Mono, en Californie. Un lac 3 fois plus salé que l'océan, où il ne survit pas grand-chose, excepté une espèce de crevette et une mouche. En laboratoire, ces nématodes se montrent très résistants face à l'arsenic. Ils sont capables de supporter des doses 5 fois plus fortes que n'importe quel organisme vivant. Et autre curiosité, certains nématodes possèdent 3 sexes. Habituellement, ils sont soit hermaphrodites, soit mâles. Cette espèce d'un genre nouveau est capable de s'auto-féconder. Mais... Ben Natacha, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive à des espèces très bien. Merci beaucoup, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences, un Journal des Sciences que vous pouvez retrouver comme chaque jour sur franceculture.fr ainsi que sur votre application podcast favorite. Si la notion de biais cognitif est relativement récente dans l'histoire de la recherche en psychologie, comme on va le voir dans quelques instants, nous n'en avons certainement jamais autant entendu parler que depuis quelques mois. Et pour cause, en cette époque où la distorsion de l'information est devenue monnaie courante, ces biais sont exploités jusqu'à la trame par les producteurs de discours politiques, économiques ou pire, complotistes et conspirationnistes. Que sait-on également exactement de ces mécanismes de réflexion qui nous poussent insidieusement à accepter ces petits arrangements avec le réel? Sont-ils uniquement une plaie de la pensée contre laquelle il faut lutter à tout prix, ou au contraire une structuration naturelle de notre conception du monde? Pour commencer, en lieu et place de l'archive du jour, que vous avez l'habitude de retrouver au début de chaque émission, nous avons choisi de changer un peu notre système et de piocher dans la surabondante bibliothèque quotidienne des discours publics pour tâcher d'illustrer quelques-uns de ces biais cognitifs que je vais laisser le soin à mes deux invités, Stefano Palminteri et Olivier Houdet, qui vient d'arriver, que je salue. Bonjour Olivier. Bonjour. Houdet, merci d'être avec nous. Je vais vous proposer de décortiquer donc ces biais cognitifs en commençant par celui-ci. Bien entendu, vous aimez le chocolat. Je vous présente donc votre nouveau meilleur ami, Franz Messerli. S'il nous intéresse, c'est parce qu'il a publié, le 18 octobre 2012, un article scientifique intitulé « Consommation de chocolat, fonctions cognitives et prix Nobel ». Il y explique avoir découvert que plus un pays mange de chocolat, plus il a de prix Nobel. Plus un pays mange de chocolat, plus il a de prix Nobel. C'est un extrait d'une vidéo des décodeurs du monde datée du 12 septembre. C'est quelque chose qu'on retrouve assez couramment, Stefano Palminteri. Mettre en rapport finalement deux choses qui sont... Il s'avère que cette étude était évidemment une étude bidon pour montrer ce biais de corrélation. Oui, tout à fait. Donc là, vous venez de mentionner, ça c'était un biais de percevoir des corrélations ou surtout d'inférer des liens, des causalités entre évidemment seulement basés sur des corrélations qu'on constate. Ça c'était quelque chose qui est vraiment très très très dur de... C'est un biais dans lequel c'est vraiment dur de s'affranchir, y compris pour nous scientifiques. Et il repose pour moi sur le constat essentiel que dans la nature, des corrélations sont quand même un très bon signe de lien de causalité. Mais évidemment, ça, c'est pas, si vous voulez, vous avez deux événements, donc c'est la probabilité de gagner un prix Nobel, la consommation de chocolat. Quand on constate une corrélation entre ces deux choses, on ne peut pas directement inférer de la causalité parce qu'on a d'autres structures causales qui pourraient effectivement expliquer ces résultats. Typiquement, je soupçonne que là, on parle de la Suisse. Donc la Suisse, c'est aussi un pays qui produit beaucoup de chocolat, mais qui a aussi un système de recherche très efficient. Donc probablement, il y a quelque chose qui médie à la fois la consommation de chocolat et les prix Nobel, et c'est justement le fait qu'il s'agit de la Suisse qui concentre ces deux choses. Olivier Houdet, un mot sur Ce biais qui est un biais très très courant hein, de transformer la corrélation en causalité. Voilà, et qui est un biais populaire, mais aussi chez les scientifiques quelquefois. On a vu des débats sur le climat il y a quelques années qui pouvaient induire cela. Ce que je voudrais dire, c'est que notre cerveau est extraordinairement complexe. On a 86 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions. Donc on est obligé, pour comprendre le monde, de simplifier. Et pour ça, l'humain a inventé des stratégies, des heuristiques très rapides, très efficaces, qui marchent très bien, très souvent, mais pas toujours. Et comme l'a dit l'autre invité, très souvent, les corrélations, ça marche, mais quelquefois, non, surtout dans un cas de causalité comme celui-ci. Le cerveau aussi des stratégies plus lentes, des algorithmes cognitifs exacts qui, dans ce cas-là, auraient dû dire que la déduction était non valide. Et entre les deux, il faut un système d'arbitrage et d'inhibition. Et comme ces neurones sont très nombreux, ils cèdent à la crédibilité. Et on a une heuristique de crédibilité, comme dans les fake news, qui nous font valider quelque chose de crédible, même si ce n'est pas logique. Or, il faudrait décliner l'algorithme de validité logique qui est plus lent et qui, dès lors, ne passe pas dans les jugements et le cerveau préfère les heuristiques. Là, l'exemple choisi, en l'occurrence, c'est un exemple qui déconstruit ces liens de corrélation en le poussant à l'absurde. Il y a un site qu'on aime beaucoup, dont on vous a déjà parlé ici. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission qui s'appelle Spurious Correlation et qui met en rapport des choses complètement absurdes comme le taux de divorce dans l'état du Maine avec la consommation de margarine. Mais là, on va repasser dans le réel, c'est-à-dire avec un vrai exemple tiré de l'actualité dans ce deuxième extrait. Je partage la suspicion de millions de gens par rapport à la thèse officielle qui nous a été avancée. Je voudrais citer un seul exemple, c'est celui du Pentagone. On nous dit qu'il y a un avion de ligne qui a percuté le Pentagone. On nous montre un trou de 6 mètres de diamètre et il n'y a ni moteur, ni carlingue, ni siège, ni queue d'appareil, ni aile, ni rien du tout. Alors, on se moque de nous. Jean-Marie Le Pen, le 22 septembre 2001 sur Radio Classique, 2002 pardon, je crois. Olivier Houdet, un mot sur les biais qui sont à l'œuvre dans cette présentation des faits. C'est-à-dire que ce type de discours surfe sur, en effet, une information qui est incomplète. On ne peut pas tout savoir à partir d'une image, mais en conduit les cerveaux qui l'écoutent à déduire une suspicion qui est négative. Donc on sent vraiment que par cet argumentaire de Jean-Marie Le Pen, je crois, il y avait une idéologie derrière, complotiste, et qui suggérait par manque d'information, par trop grande incertitude, que c'était nécessairement un complot. Et là, on tombe dans la manipulation de l'esprit qui n'est pas nouvelle. Déjà, dans la Grèce antique, on parlait de sophisme. Aristote disait « les sophistes sont ceux qui manipulent notre esprit ». Et c'était les politiques de l'époque. Et puis, il y a les paralogismes, quand on se trompe soi-même à son insu, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les biais cognitifs. Et les deux se combinent. Un manipulateur va essayer de profiter de votre fragilité de raisonnement, donc de vos biais, de vos paralogismes, pour essayer d'y glisser une idéologie, et c'est ce qu'on vient d'entendre. Et on entend aussi beaucoup dans ces théories conspirationnistes et complotistes quelque chose qui a été documenté et étudié par Gérald Bronner, c'est-à-dire l'appétence naturelle, instinctive de l'esprit humain pour la peur. Peut-être Stefano Palmiteri. Oui, donc si je peux rebondir sur ce qu'a dit mon collègue, donc là on voit une appétence, oui, il y a peut-être aussi une appétence vers la peur, mais il y a aussi une appétence vers la narrative, c'est-à-dire ce qui fournissait Jean-Marie Le Pen dans ses récits, c'est une histoire qui était cohérente avec les informations très fragmentaires dont reposaient les gens, qui peut-être justement confirmait certaines croyances, certains soupçons chez une partie de la population, et donc du coup ils étaient emportés dans cette narrative cohérence, parce qu'on a aussi une appétence vers la cohérence, vers la narrative, etc., qui fait que les gens pouvaient être particulièrement susceptibles de tomber dans les panneaux dans ces cas-là, effectivement, croire à ces propos complotistes. Et puis, un dernier extrait, issu aussi d'une actualité un peu plus récente. Écoutez. Je traverse la rue, j'en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Voilà le président de la République Emmanuel Macron, extrait d'un reportage diffusé sur Euronews le 17 septembre 2018. Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Un mot sur ce biais cognitif, Olivier Houdet. C'est évidemment une prédiction très optimiste. Et alors, on peut comprendre que dans un souhait de créer de l'optimisme dans la population, un président de la République dit cela. Mais évidemment, ça ne doit pas être pris comme une prédiction crédible. Et la preuve en est, c'est que si on a suivi l'histoire, ce monsieur a fait le tour de France et n'a pas trouvé de travail. Stéphane Panettiere. Oui, là, par exemple, c'est un cas exemplaire. Alors, en anglais, on dit ça « inside bias ». Je ne sais pas comment est-ce qu'on traduit en français. Peut-être que c'est les biais du point de vue, quelque part. Donc, ça pourrait ressembler un peu à quelqu'un qui dit bah, « Regardez, moi, j'y croyais pas, mais finalement, si vous continuez à vous accrocher et à acheter des billets de la loterie, vous allez gagner comme moi. » Donc, vous voyez que quand on a gagné, c'est facile de reconstituer son histoire de façon complètement subjective et percevoir cet événement qui est complètement aléatoire comme en fait une nécessité historique quasiment. Alors, c'était pas tout à fait ce que disait le président de la République, mais quelque part, ça peut contribuer aussi. C'est-à-dire, il y a certains points de vue pour lesquels ce discours va paraître effectivement réaliste. Pour dire, oui, bien sûr, moi aussi, j'ai trouvé un travail, c'était facile. Donc, rétrospectivement. Si ça m'est arrivé à moi, ça peut vous arriver à vous. J'ai mérité ça et c'est une nécessité étant donné mes efforts. Mais effectivement, il y a d'autres gens qui pourraient ne pas avoir eu le même vécu. C'est une sorte de biais de subjectivité, en fait, d'appliquer, de généraliser sur un cas particulier qui pourrait être un cas proche du sien, Olivier Audet. Absolument, mais la série d'exemples que vous avez donnée est très bonne, parce qu'on voit à la fois des politiques, des manipulations de discours scientifiques, donc on voit vraiment que sous divers angles, à tout moment, les biais peuvent s'immiscer dans le raisonnement humain, et il faut en tenir compte, et surtout, je crois, on va en parler, il faut apprendre à résister à ces biais. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons de biais cognitifs en compagnie d'Olivier Houdet et Stefano Palminteri. Alors peut-être qu'on peut remonter justement un peu le fil de la littérature scientifique. Stefano Palminteri, qu'est-ce qu'on appelle exactement biais cognitif? À quel moment cette expression apparaît-elle dans l'histoire des neurosciences? Alors donc... Je vous remercie pour cette question, parce que je pense qu'ici on est tous d'accord qu'on a besoin vraiment de définir formalement bien qu'est-ce que c'est un biais. Donc un biais cognitif, donc déjà, qu'est-ce que c'est un processus cognitif? Un processus cognitif, c'est un processus mental qui fait intervenir à un moment donné une transformation de l'information par le cerveau, d'accord? Donc on définit un biais quand on se rend compte qu'il y a un processus dont le résultat, il est en quelque sorte statistiquement, systématiquement dévié du résultat qui serait le résultat vrai. Donc là déjà, on rentre dans un terrain qui commence à devenir un petit peu tremblant, parce que, mais qu'est-ce que c'est un vrai résultat d'une opération cognitive? Donc du coup, il y a certains cas, comme par exemple l'économie, dans lesquels on peut définir des modèles qu'on appelle normatifs, qui nous disent, ou la logique par ailleurs, qui nous disent il faut raisonner de cette façon pour avoir des résultats qui sont cohérents, ou il faut prendre des décisions comme ça pour maximiser ses probabilités de succès, etc. Donc ici, on est dans un domaine dans lequel c'est facile de définir un biais parce qu'on a un résultat idéal et après, on peut observer la distorsion vis-à-vis de la réalité. Exactement, les distorsions que les humains présentent dans ce type de contexte. Olivier Houdet, votre approche ou votre définition, oui. Est-ce qu'il y a une définition objectivée du biais cognitif? Et puis surtout, j'aimerais bien aussi un petit point de vue historique, à partir d'accord. De quel moment ce type de notion, vous parlez tout à l'heure de parallaxe, je crois, est-ce qu'à partir de quel moment on parle vraiment ou apparaît les termes de biais cognitif dans la littérature scientifique? D'accord, alors pour être clair, et court, un biais cognitif, c'est une tendance systématique que nous avons à prendre en compte des facteurs, des éléments non pertinents, dans un problème à résoudre. Et dans tous les cas que vous avez évoqués, on tenait compte d'éléments non pertinents pour raisonner. Alors, dans l'histoire de la psychologie expérimentale et des neurosciences, c'est un prix Nobel, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, qui a mis le plus en avant cette notion de biais cognitif dans des tâches de raisonnement, de probabilité. Je vous donne un exemple. Il disait à ses étudiants de MIT ou Princeton de dire si un syllogisme était ou non valide, logique. Et le syllogisme est « toutes les roses sont des fleurs ». Première prémisse. Deuxième, certaines fleurs fanent vite, donc certaines roses fanent vite. Et la grande majorité des étudiants de très haut niveau, je vous l'ai dit par leur formation académique, disent oui, c'est valide. C'est un biais. Ils prennent en compte les éléments non pertinents, c'est-à-dire la connaissance qu'ils ont du fait que les roses fanent, il est vrai, vite, qui est un biais de crédibilité, une croyance, une connaissance générale. Mais dans ce cas-ci, si vous redéroulez, si vos éditeurs écoutent l'émission en podcast, ils verront qu'on ne peut absolument pas déduire cette conclusion, qui était très crédible, mais non valide, du syllogisme. Et donc, Kahneman a ainsi montré que notre cerveau était criblé d'heuristiques, c'est-à-dire des biais, qui ne sont pas que négatifs. Un biais repose sur une stratégie adaptative. Mmh. Une heuristique, c'est une stratégie très rapide, très efficace, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et essentielle pour dans le mécanisme de prise de décision. dans la prise de décision. Et c'est pourquoi il a mis ainsi en cause le postulat rationnel des agents économiques, en disant même dans les décisions économiques, donc les plus importantes, qui impliquent l'argent, les finances, on est trompé par des biais de ce type. Et il y en a toute une bible des biais cognitifs. Variété, oui. Et dès lors, il a reçu le prix Nobel parce qu'il a en effet ébranlé cette idée de rationalité humaine à laquelle on croit depuis Aristote, Descartes, Jean Piaget, qui a décrit le développement de la logique chez l'enfant du jeune bébé jusqu'à l'adulte. Et Kahneman a brisé cela. Dès lors, c'est un message très pessimiste. Ça veut dire que notre cerveau est plutôt erroné, biaisé, trop rapide, heuristique. Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002. En 2002. Voilà. Il y a cette définition que je trouve, pour terminer, parce qu'on ne va pas passer l'heure non plus là-dessus à définir, mais que je trouve assez intéressant et assez compact, de Jean-François Lenis, qui dit « Le biais cognitif, c'est une distorsion que subit une information en entrant dans le système cognitif ou en en sortant. Dans le premier cas, le sujet opère une sélection des informations. Dans le second, il réalise une sélection des réponses. » C'est assez concis, mais en même temps, est-ce que, à travers cette définition de Jean-François Lenis, ça n'est pas ce que je disais au tout début, c'est-à-dire finalement le biais est un simple produit de la subjectivité, c'est un autre terme pour définir notre perception subjective du réel. Donc, Stéphane Palminteri. Si, on peut suivre ce raisonnement, effectivement, dire que les biais, c'est justement par définition l'issue d'un processus cognitif qui est interne au sujet. Ensuite, on peut spéculer, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins susceptibles à différents biais? Mais moi, déjà, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit et faire remarquer quelque chose. Donc, moi, je suis arrivé en neurosciences cognitives en tant que biologiste. Et donc, j'étais en premier abord assez surpris par cette notion de biais, parce que quand on est biologiste, la première chose qu'on nous apprend, c'est que nous sommes les produits en tant qu'êtres biologiques de milliards d'années d'évolution, et que donc, nous avons un cerveau qui, en quelque sorte, doit être optimal pour résoudre certains problèmes. Et là, si je peux connecter justement, par exemple, avec les biais décrits par Kahneman et Tversky, un des plus connus, c'est les biais... Amos Tversky, qui est l'autre chercheur. Co-auteur, oui, qui n'a pas reçu le prix Nobel parce qu'il était décédé, malheureusement. Donc, c'est la version aux pertes. Donc, l'idée qu'on a... La version, pardon ? Aux pertes. Aux pertes financières, dans ce cas-là. Okay. Voilà. Mais donc, en général, une espèce d'attention accrue qu'on a aux événements négatifs au moment où on prend la décision. On voit que ça... Ce qu'on appelle la peur de la perte, qui est vraiment un des moteurs essentiels des biais principaux de la cognition. Ça va modifier la perception du risque des sujets, etc. De façon, donc, pas rationnelle par rapport au modèle standard. Mais en fait, on peut voir que, par exemple, dans ces biais-là, qui effectivement, c'est un biais de traitement de l'information, il pourrait y avoir des raisons biologiques très importantes. Parce que si on pense que ce cerveau-là qu'on a, il a été évolué plutôt pour résoudre des vrais problèmes de survie dans la savane, par exemple, et non pas des choix dans les marchés financiers, on se rend compte que la perte n'a pas tout à fait la même valeur que la récompense. Parce que la perte, ça peut signifier la mort, et la mort, c'est la fin de la lignée. Donc, c'est quelque chose que l'évolution veut éviter à tout prix. Alors que ne pas manger une journée, oui, c'est grave, mais on peut toujours manger deux jours après, trois jours après, alors que si on meurt une fois, ben, on est mort. Et puis les pertes dans le domaine économique sont évidemment à mettre en corrélation et pour estimer la différence par rapport aux mécanismes évolutifs. Ce qui est peut-être ce qu'on peut expliquer, Olivier Oudet d'abord, j'aimerais votre sentiment sur cette distinction que l'on peut opérer entre les biais cognitifs que nous avons tous, que nous partageons tous, qui sont consubstantiels de notre perception du monde, et la subjectivité. Est-ce qu'on parle de la même chose ? Est-ce que ce sont deux synonymes pour vous ? Oui, c'est une forme de subjectivité que d'être biaisé. C'est inhérent à la condition humaine. Vous savez, déjà pour l'espace, nous sommes biaisés. Montaigne disait très bien, nous sommes égocentrés parce qu'on n'a pas une paire d'yeux, les yeux au sens de voir, derrière la tête. Donc déjà, spatialement, on est très biaisé par notre point de vue visuel. Donc il est très difficile de prendre en compte le point de vue de l'autre au niveau spatial et ensuite au niveau social, au niveau des idées, on le sait, pour les discussions politiques ou ce qui nécessite une tolérance. Hein, le contraire de la radicalisation aujourd'hui. On est de plus en plus égocentré, sociocentré. On y reviendra. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est que vous avez parlé d'objectivité et de subjectivité. Eh bien, toute la difficulté du développement cognitif humain et de l'enfant qui se développe en famille et à l'école, c'est de parvenir à une construction conjointe de la subjectivité et de l'objectivité. Il faut qu'à un moment donné, notre subjectivité rencontre cette objectivité. Et c'est pour cela qu'il faut, et l'humain le peut, grâce au cortex préfrontal, qui est en quelque sorte la partie du cerveau la plus développée au cours de cette longue évolution biologique, ce cortex préfrontal a des neurones qui peut envoyer par des axones longs dans tout le cerveau des ordres inhibiteurs et activateurs qui nous permettent d'inhiber, de résister à ces biais. Et encore, je voudrais dire, je partage le constat du biologiste. Moi, comme psychologue, je suis aussi arrivé dans cet état-là de la littérature au début du XXIe siècle. Piaget décrivait un enfant de plus en plus logique et un adulte logique, et Kahneman nous disait au contraire que cet adulte est illogique. Il y avait donc un paradoxe. Et ce paradoxe est très grand parce qu'en effet, on pourrait dire que là où la biologie, depuis les bactéries, a tout réussi, tout traversé jusqu'à l'humain, eh bien, le monde des idées n'y parvient pas. Et dans le domaine des idées, on n'est pas adaptatif. On se trompe, on fait des erreurs, et des erreurs graves, parce que le climat, c'est un biais cognitif collectif. On a plongé au cours des derniers siècles dans une heuristique de consommation immédiate des ressources, sans décliner un algorithme de simulation des effets sur l'environnement qui eut nécessité d'inhiber nos biais cognitifs. Et quand un homme se rase le matin, qu'il tourne le robinet pour ne pas laisser couler l'eau, il inhibe, il utilise son cortex préfrontal. Justement, c'est intéressant. On reviendra tout à l'heure sur les mécaniques neuronales à proprement partie. On a un reportage intéressant dans le laboratoire que vous avez dirigé, Olivier Houdet. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est effectivement ces processus de dissonance cognitive qu'on peut appeler biais cognitif de la même façon. Et j'aimerais bien que vous nous réexpliquiez justement ce processus d'inhibition, votre postulat, Olivier Houdet, celui de ce système 3, puisque Kahneman définit un système 1 qui est l'heuristique, un système 2 qui est algorithmique. Donc, grosso modo, l'heuristique, l'intuition immédiate contre la faculté de réflexion et d'une pensée plus longue et plus structurée. Vous développez une pensée qui est intéressante, qui est de dire que entre les deux, finalement, il aurait presque fallu l'appeler système 1 bis ou un système 2 prime, système 3 qui est un système d'inhibition. Non, c'est vraiment... Alors, Kahneman et puis tous les théoriciens du domaine ont parlé de processus dual, c'est-à-dire un système 1 qui sont les biais cognitifs dans lequel notre cerveau s'engouffre très rapidement, et un système 2 qui existe, qui a notre logique, notre rationalité, mais que l'on utilise très peu. Kahneman travaillait comme beaucoup sur des adultes, et donc là ils observaient qu'en effet les biais dominaient. Avec mon laboratoire, nous travaillons depuis plusieurs décennies sur le développement cognitif des enfants. Et là, on voit au cours du développement les deux systèmes en parallèle qui entrent en compétition. Je vous donne un exemple. Si vous présentez à l'enfant 6 jetons, un alignement de 6 jetons et juste en dessous un autre alignement de 6 jetons, dès l'école maternelle, l'enfant est capable de dire s'il y a ou non le même nombre de jetons dans les deux alignements. Mais si vous écartez l'un des deux alignements et vous reposez la question à l'enfant est-ce qu'il y a le même nombre, il dit ben non. Tu vois bien, il y en a plus là parce que c'est plus long. Or, le nombre est identique. On sait aujourd'hui que l'enfant est capable de compter. Il a l'algorithme du comptage. Or, un biais cognitif qui est longueur égale nombre domine dans son cerveau. C'est un biais surappris. Et nous avons observé en imagerie cérébrale fonctionnelle, en mettant les enfants dans une caméra d'IRM, ce qui se passe au moment où l'enfant parvient à réussir ce problème. Et on voit en effet un troisième système dans une région très précise du cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, un troisième système qui entre en action et qui a pour fonction d'inhiber le biais de la longueur dans ce problème pour activer l'algorithme de comptage. Et on l'a redémontré chez l'adulte par des paradigmes d'apprentissage où on apprend à l'adulte à inhiber son biais de raisonnement dans des tâches de logique complexes comme celles qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous voyez le cerveau du même individu qui se reconfigure de l'arrière vers l'avant lorsqu'il parvient à sortir de son biais pour activer la logique et l'algorithme. Et donc ce troisième système permet cet arbitrage, et ce switching dans le cerveau qu'on appelle une plasticité mentale, une vicariance, c'est-à-dire utiliser un chemin neuronal différent pour résoudre le même problème. Et c'est ça la force de l'humain. Néanmoins, on a beaucoup de difficultés à le faire, et c'est pourquoi je plaide pour qu'on éduque à ce troisième système de contrôle inhibiteur de nos biais dès l'école. On peut le faire en maternelle, en primaire et plus tard. Et on va y revenir tout à l'heure. Un mot là-dessus sur ce système d'inhibition, Stefano Palminteri, ça veut dire que faut en permanence lutter contre nous-mêmes, il faut en permanence penser contre nous-mêmes, ces biais sont forcément quelque chose de négatif dans notre appréhension du réel. Alors moi, encore une fois, je ne pense pas qu'ils sont nécessairement négatifs, donc, c'est-à-dire la plupart des fois, ces routines, ces heuristiques répondent à des vérités statistiques dans notre environnement, donc ils ont une bonne raison d'être là. Donc voilà, par exemple, on peut imaginer qu'un biais de positivité dans l'apprentissage, c'est quelque chose que moi j'ai étudié, il est optimal. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est en quelque sorte? Voilà, donc les sujets, ils doivent faire des tâches simples de choix, choisir entre deux options, ils peuvent avoir des feedbacks positifs ou négatifs, qu'ils peuvent les renforcer positivement ou négativement, répéter cette action, et les sujets vont plus retenir, ont plus tendance à retenir les feedbacks positifs, ce qui va... Les retours d'expérience positive, c'est-à-dire que ça valorise l'apprentissage, là, la mémoire. On n'est pas dans la version ouverte prospective de Kahneman et Tversky, on est plutôt dans la mémoire, rétrospectivement, ce qui a fait que les gens peuvent s'engouffrer dans des mauvaises réponses, dans des mauvais choix. Mais à l'opposé, cette stratégie elle est optimale quand les ressources sont, par exemple, très riches. Mmh. Et quelque chose, donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui finalement peut avoir des résultats positifs. Sauf qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que maintenant, on crée des environnements qui sont tellement différents de nos environnements originaires. Et donc, on peut se tromper. Et puis, revenir justement au côté neurobiologique, c'est que souvent, l'évolution et le cerveau, en gros, ils font du nouveau et du vieux. Donc, on essaie de recycler les mêmes circuits qui ont été tarés pour un certain type de tâches, pour résoudre des tâches qui sont pas tout à fait naturel, ce qui nous vient de la culture, de l'évolution culturelle, etc. Et donc, finalement, ça peut effectivement donner des sujets à des comportements, des réponses qui ne sont pas optimales, ne sont pas parfaites pour la tâche en jeu. Et une autre chose qui est si importante, c'est que les cerveaux sont faits des neurones, et les neurones, c'est des machines physiques qui ont des limitations intrinsèques. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des réponses infinies avec un neurone, parce que c'est très coûteux d'un point de vue énergétique, par exemple. 20% de l'énergie totale du corps. On ne peut pas avoir des déactivations négatives d'activation neuronale. Donc ces contraintes aussi, ça fait que du coup on a des comportements, des biais, des cognitions qui sont limitées dans le sens où il faut travailler avec une machine qui a des limitations physiques et donc on va retrouver ça au niveau agrégé dans les comportements de tous les jours. Et une fois de plus, dans quelques minutes, on va entendre un reportage pour comprendre exactement justement ces biais, ces voies neuronales du biais cognitif. Olivier Houdet, j'aimerais vous entendre tout de même là-dessus, puisque c'est vous qui dites penser, c'est toujours penser contre soi, l'intelligence c'est résister, c'est l'inhibition, c'est ce fameux système 3. Antonio Damasio, d'une autre part, dit nous ne sommes pas des machines, la part de subjectivité est essentielle, ces biais cognitifs ils sont absolument nécessaires à notre appréhension et à notre rapport au monde. Alors, d'abord, les heuristiques, justement, c'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux parler d'heuristique que de biais cognitif, c'est l'heuristique qui sous-tend le biais. Une heuristique, je vous ai dit dans la définition, ça marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Donc bien sûr, très souvent, nos heuristiques sont utiles. Longueur égale nombre que j'évoquais, si vous allez au supermarché sur deux rayons qu'on appelle des linéaires à type de produits égaux, s'il en reste plus, si un alignement est plus long, vous en déduisez qu'il y en a plus. Mais vous pouvez vous tromper quelquefois. Et du coup, alors, on prend ceux qui ont moins parce que du coup, ils sont plus achetés, donc ça nous pousse à consommer plus. Voilà, c'est un nouveau biais cognitif. Par exemple, on pourrait continuer 1000 exemples. Ce que je veux dire pour notre débat et vos auditeurs, c'est qu'il y a beaucoup de subjectivité à être capable d'inhiber un biais. Il faut ressentir des émotions qu'on appelle contrefactuelles, le doute, le regret et la curiosité. Et pour inhiber un automatisme, il faut commencer à douter de son biais. Donc il faut éveiller l'esprit critique, le recul. Il faut être curieux d'une autre façon de résoudre le même problème. Dans vos exemples du début, on pourrait dire, on pourrait, à partir des photos incertaines du Pentagone, raisonner autrement, être curieux d'un autre point de vue. Et enfin, on peut regretter. Il y a eu toute une thèse de doctorat dans mon laboratoire que nous avons dirigée sur l'anticipation du regret. Et ces émotions sont dans le cerveau, dans le cortex paralimbique, doute, regret, curiosité, et ce sont elles qui vont déclencher l'inhibition des biais. Donc vous voyez que c'est extrêmement subjectif, mais c'est ce qu'on appelle du méta-subjectif, réfléchir à sa propre raison. Et quoi de plus subjectif que de mettre en cause ses propres idées? Et en effet, je crois que penser vraiment, c'est penser contre soi. Mais vous voyez, par exemple, je vais reprendre l'exemple que vous utilisiez, c'est l'exemple du Pentagone, c'est précisément parce que des personnes qui soutiennent la théorie complotiste, comme Jean-Marie Le Pen, comme on l'entendait tout à l'heure, doutent d'une version qui est présentée comme la version officielle, donc exercent leur doute qu'ils arrivent à des conclusions qui sont des conclusions biaisées. C'est bien pourquoi, cher ami, je vous dis que c'est vraiment subjectif, et que ces émotions de doute, de regret, de curiosité peuvent être utilisées avec un spectre d'intelligence, et la vraie intelligence, c'est là qu'elle se situe, dans la capacité que chacun d'entre nous, donc chaque sujet, c'est subjectif, a de ressentir les émotions nécessaires à inhiber le biais au bon moment. Parce que pendant 1000 cas, le biais va fonctionner en termes de fréquence d'usage et d'occurrence et sera très adaptatif. Et c'est pourquoi nous avons passé toutes les étapes de la sélection darwinienne. Mais néanmoins, cette sélection-là fonctionne mal au niveau des idées. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, il y a de la violence. On transgresse les algorithmes des droits de l'homme, des traités internationaux, qu'il y a la radicalisation religieuse, alors qu'on croyait depuis le siècle des Lumières que la logique, la rationalité allaient l'emporter. Non, parce que nos cerveaux sont faillibles et que l'on a, moi, je crois qu'il y a de l'espoir. On n'a pas assez à l'école pris conscience de cela. Et plutôt que de répéter les algorithmes à l'école, on devrait apprendre à prendre conscience des heuristiques, des biais, les cartographier systématiquement. Je peux vous donner des tas d'exemples scolaires. Déjà, longueur égale nombre était pour les maternelles. Et ayant cartographié ces heuristiques, entraîner les enfants à les inhiber. Et je peux vous dire qu'on le fait, que ça marche et qu'ils adorent cela. Stéphane Palminteri. Moi, je voulais juste revenir un peu sur l'exemple du complot. Parce que En fait, dans ces cas-là, justement, il n'y a pas eu un défaut d'inhibition. En fait, il y a eu un défaut d'inhibition, si on peut utiliser les termes de mon collègue. Justement parce que ça se connecte, je pense, maintenant à des phénomènes qui ont une ampleur beaucoup plus importante. Donc là, dans ces cas-là, Jean-Marie Le Pen, il parlait à des gens qui avaient déjà une croyance préalable par rapport à cette notion des complots, etc. Donc finalement, c'était un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'ils avaient une information qui avait déjà, pour laquelle déjà ils avaient une appétence. C'est-à-dire que l'information était déjà suffisamment diffusée pour pouvoir faire jouer beaucoup, sur un biais. Il amplifiait ce biais de confirmation que les auditeurs ne parvenaient pas à inhiber si déjà ils avaient un a priori qui allait dans ce sens. Et donc, ce type de biais de confirmation, en fait, il y a beaucoup de biais de traitement d'informations qui peuvent être réduits en biais de confirmation. Il est d'autant plus dangereux maintenant où, grâce aux médias, par exemple Facebook, etc., on est complètement décidaire des types d'informations auxquelles on nous a exposés. Donc, par exemple, si on est quelqu'un plutôt de gauche, on va s'abonner au site du Monde. Si on est quelqu'un plutôt... Les fameuses bulles informationnelles. Exactement. Et donc, du coup, ça peut créer un peu quelque chose, des bulles, en fait, comme au sens de bulles financières, mais des bulles informationnelles dans laquelle on est de plus en plus exposé toujours au même type d'informations, qui après peut donner des phénomènes de polarisation très importants, où on peut avoir des gens, si je peux dire, déraper sur des positions très extrémistes entre peu de temps, justement parce qu'ils vont quelque sorte forager pour des informations qui confirment tout le temps leurs croyances, et donc vous pouvez voir qu'après un certain nombre d'itérations, on aura des croyances qui sont encore plus extrêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très actuel aussi. C'est un mort, sauf de choix, je vais vous chanter là un truc qui sert vachement souvent, qu'on saute, qu'on creuse, qui s'enrume. Oui, on le mange bien ramolli, bien ramolli. C'est vachement rigolo ce qu'on peut faire avec un cerveau. La vie serait plus belle si je me servais, ouais, de ma cervelle. Si je me servais de ma cervelle. Pour un prix à Oslo, doit-il être plus gros? Voilà une nouvelle distraction, une partie intime. Simple d'esprit ou pas sain, il faut pas polir. Le mieux c'est encore de s'en servir. L'échec, j'y pense, mais y a toujours moyen de pas. Moyen de pas. Machin chose, un cerveau sur France Culture à 16h37, puisqu'il est question de notre cerveau, de son fonctionnement, et notamment des biais cognitifs, de nos heuristiques qui nous trompent. Nous en parlons avec Olivier Houdet, qui est professeur de psychologie à l'Université de Paris, directeur honoraire du laboratoire CNRS de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, auteur de « Apprendre à résister pour l'école contre la terreur », c'est aux éditions du Pommier, et Stefano Palminteri, chercheur en neurosciences cognitives, chargé de recherche INSERM dans l'équipe Apprendre du renforcement du laboratoire neurosciences cognitives et computationnelles de l'École normale supérieure de Paris. On va reprendre notre petit exercice ou expérience de tout à l'heure, c'est-à-dire écouter des extraits de discours publics, essayer de comprendre de quelle manière ils sont biaisés. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. À Brest, on a relevé une température de moins 0,2 degrés. Aucune valeur négative n'avait été observée en plus de 75 ans. Moins 1 degré hier à 3. Attention, sujet sensible. Voilà, Pascal Pro sur CNews le 6 mai 2019 qui estime que le réchauffement climatique n'est pas une réalité parce qu'il fait très froid au mois de mai. Que faut-il en penser, Olivier Houdet ? Je ne suis pas climatologue, mais d'après ce que je sais de mes confrères climatologues, c'est une pseudo-déduction, une mauvaise comparaison, et que la complexité du réchauffement climatique prend beaucoup plus de paramètres à simuler par un système algorithmique du cerveau, et que là, on surfe précisément sur une heuristique et on tourne en dérision une comparaison dans l'intention de tromper. C'est là où il y a un réel cynisme, je ne sais pas qui est l'auteur de ces propos, mais un réel cynisme, et je crois qu'il est bien conscient en les disant, je l'espère, qu'il est cynique. Stéphane Opelminteri, un mot? Oui, bah, là, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est vraiment encore... Enfin, aussi, un biais, je pense, dans ce cas-là, de, avec disponibilité. Donc, le fait qu'un jour, aujourd'hui, il fait très froid, effectivement, je sens le froid dans ma peau, j'entends des gens qui en parlent. Donc, le froid, il est là, alors que le réchauffement climatique, il n'est pas là. Je ne vois pas la désertification, je ne vois pas la perte de d'efficience de cultures, etc. Donc, vous voyez que, du coup, j'ai tendance à surpondérer les enfants formation qui me touche personnellement, que je peux voir, par rapport à d'autres qui sont plus abstraites et plus lointaines. Autre exemple. La politique, c'est très difficile. C'est très difficile dans les choix qu'on a à faire, dans les décisions qu'on a à prendre. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe, je trouve ça choquant. Morano. Et c'est choquant aussi, vous savez pour qui ? Pour ma famille. Nadine Morano dans l'émission C'est à vous, le 21 juin 2012. Stéphane Opelminteri, qu'est-ce qu'on pense de cette fameuse qui a même été utilisée comme un gag, hein, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir. Oui, après, donc là, je ne sais pas non plus si on est vraiment dans les domaines du biais cognitif ou bien aussi d'un petit souci de culture ou de croyance de la personne. C'est sûr qu'après, dans le racisme, il y a beaucoup les problèmes du stéréotype qui se mettent en place. Hein. Encore une fois, c'est des notions qui nous viennent de statistiques passées, ou de choses qui ont été transmises de façon pas objective par d'autres générations, qui ont créé un petit peu un stéréotype, qui va un peu clusteriser les opinions sur des gens, ce qui est très malheureux. Alors ça, c'est quelque chose justement qui, il n'est pas non plus, j'ai envie de dire, un biais comme celui qu'on a décrit des confirmations, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est comme une illusion optique, ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui vient de la culture et qui, par l'éducation et par le raisonnement, devrait être surmonté. Olivier Houdet ? Non, en effet, tout ce qui est racisme, quelles qu'en soient les formes ou plus simplement les stéréotypes, relève de formes de biais cognitifs. Là, c'était à nouveau un discours de politique qui, en fait, surfait sur quelques mots qui pouvaient laisser entendre une ambiance raciste dans le discours pour démontrer par quelque chose de tout à fait ponctuel qu'une relation amicale allait dans l'autre sens que les mots qu'on entend. Donc, voilà. Alors, vous savez, nous, on étudie scientifiquement ces biais. Donc, on a des définitions très précises. Mais l'usage qui en est fait dans la vie de tous les jours est très subtil, très irrationnel. Il suffit d'un mot pour déclencher dans le cerveau des autres. Ici, on a entendu le mot couleur de peau, le mot de race, le mot j'aime, j'aime pas. Eh bien, ces quelques mots vont dans des tas de cerveaux déclencher des a priori racistes qui, eux, sont extrêmement structurés. Et c'est là où le politique a une grande responsabilité morale parce que, précisément, les cerveaux ne sont pas objectifs et n'ont pas nécessairement la capacité de recul et critique, mais votre émission le fait, donc c'est très bien, en repassant ces extraits. Et un tout dernier extrait, très bref, d'un grand pourvoyeur de biais cognitifs, évidemment, la publicité. Poursuivez l'or, sans doute le meilleur café du monde. Voilà, c'est très bref. Quand on entend ça, comment voulez-vous qu'on ne pense pas de travers, Olivier Houdet ? Oui, alors en effet, la publicité, aujourd'hui ce qu'on appelle le neuromarketing, exploite les biais cognitifs, avec une connaissance encore plus fine de ces biais grâce aux neurosciences et à l'imagerie du cerveau. Ah, ça va être de votre faute, Stéphane Opelminteri, faites attention. Notre science est ainsi détournée. Et au contraire, quand je parle en effet d'apprendre à résister ou que l'intelligence n'est pas un algorithme, pour le livre d'Odile Jacob que je cite aussi, eh bien c'est dire on peut mieux, l'humain peut mieux, l'humain peut résister, inhiber à ses biais, que ce soit contre le marketing. Et ce qu'a dit Stéphano tout à l'heure est très important. Les jeunes aujourd'hui et les moins jeunes font des milliers de clics par jour sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et ces clics, vous l'avez remarqué, c'est « like », « j'aime » ou « je n'aime pas ». C'est une heuristique d'affectivité qui se substitue à l'algorithme de validité logique. Et donc, on surentraîne nos cerveaux tous les jours à aimer ou ne pas aimer. L'exemple de Nadine Morano, c'était sur « j'aime, j'aime pas » pour une question de racine. Et donc, on ne fait que liker. Donc, nos cerveaux se formatent sur une heuristique basique d'affectivité, même si, une fois de plus, c'est très positif. Évidemment, les sentiments et l'affectivité. Mais dans ce cas-là, on remplace la logique par de l'affectivité. Et autre exemple que nous évoquions au début, la crédulité, les fake news. Et les fake news s'y misent dans notre cerveau de la même façon parce qu'il est démontré expérimentalement, Kahneman l'avait fait, on l'a refait en imagerie cérébrale, que les réseaux neuronaux qui acceptent une information crédible sont beaucoup plus rapides que ceux nécessaires à décliner une vérification de la validation logique. C'est exactement ce que nous allons voir avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes intéressé justement à cette mécanique cérébrale derrière ces heuristiques et ces biais cognitifs en vous rendant au Lapsidé de l'Université Paris-Descartes pour voir comment on étudie sur le plan cognitif et neurologique ces mécanismes de biais chez les adultes. Avec Alexandra Delbotte de l'équipe, on a rencontré Wim Denijs, votre collègue Olivier Houdet, qui dirige le projet Diagnor. Ce projet a pour objectif de diagnostiquer pourquoi un individu X ou Y est biaisé en croisant les approches comportementales, neurologiques et physiologiques. Et les premiers résultats montrent clairement que nous ne sommes pas tous égaux face aux biais. Pour un problème donné, certaines personnes arrivent à inhiber naturellement leurs intuitions erronées, alors que d'autres n'en sont pas capables. Étudier les raisons de ces différences est donc un enjeu pour optimiser la prévention des biais et par extension les programmes éducatifs chez les enfants. Le projet Diagnor se focalise sur la question, c'est quoi exactement la nature du biais? Est-ce qu'on sait que les gens se trompent souvent, ils sont biaisés par leurs intuitions? Ce que nous on veut savoir, c'est quoi exactement la nature? Est-ce que les gens se trompent parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se tromper? Ou est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème avec une réponse intuitive qui est évoquée par un problème ou une situation? C'est ça la question sur laquelle moi je travaille. Un des résultats que vous avez pu mettre en évidence, c'est que pour une bonne partie des gens qui sont biaisés en pleine conscience. Donc ils ont la connaissance de leurs propres contradictions. Comment vous étudiez ça? Comment vous expliquez les différences entre les personnes qui ont des biais différents? Oui, c'est ça la grande conclusion, que pour, au moins pour les adultes, les gens détectent que s'ils se trompent, s'ils donnent une réponse qui entre en conflit avec des considérations plus logiques ou probabilistes, les gens détectent qu'ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas exact, qui n'est pas juste. Comment est-ce qu'on étudie ça? On travaille toujours avec des problèmes simples de raisonnement. Par exemple, un problème, c'est un problème qui est connu comme le problème de la négligence des taux de base. On donne des informations, on donne un petit problème aux gens, au sujet. Et c'est un problème où on donne des informations sur la composition d'un échantillon. Par exemple, on dit, voilà, on a testé un échantillon, il y avait 99 femmes et un homme. OK? Après, on dit au sujet qu'on a tiré quelqu'un au hasard de l'échantillon et on informe le sujet du fait que cette personne aime de la bière et aime le football. Et maintenant, la question, qu'est-ce qui est le plus probable? Est-ce que cette personne qu'on a tirée au hasard de l'échantillon, est-ce que c'est une femme ou un homme? Alors, la plupart des gens vont penser de façon intuitive, ah oui, c'est un homme, un mec. Mais dans le problème, on vous a informé du fait que la plupart des gens dans l'échantillon, il y avait 99 femmes et seulement un homme. C'est-à-dire que l'intuition primitive dépasse la rationalité face à la proportion évidente? Oui, voilà, c'est la réponse intuitive va biaiser les gens. Ça, on le sait. On a fait des expériences avec une machine en IRMF. On a vu dans le cerveau, on sait qu'il y a une certaine région dans le cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur qui est activée quand les gens se trouvent dans une situation où il y a un conflit entre des différentes réponses et différentes possibilités. Est-ce que vous pourriez décrire plus en détail le protocole? Alors le protocole, c'est qu'on met les gens dans une machine IRMF, puis on se focalise sur une région qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. C'est la région, on peut dire, le détecteur de conflit neural. On sait que si les gens détectent un conflit, détectent un problème, détectent une erreur, c'est cette région qui est activée. Donc il y a un locus qui est bien prédéterminé, oui. Identifié. Alors ce qu'on va tester, est-ce que quand les gens se trompent, quand on présente les versions conflit, est-ce qu'en comparaison avec les problèmes non conflit, les problèmes contrôle, est-ce qu'il y a une activation élevée dans cette région spécifique? Et c'est ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, c'est le cas. Pour la plupart des gens, ils détectent leur cortex singulaire antérieur, alors le détecteur de conflit neural, est plus activé quand ils sont en train de se tromper. Et donc on peut apprendre à inhiber justement ces mécanismes? En ce qui concerne la détection de conflits, là, on n'a pas encore travaillé sur cet aspect-là parce qu'on a trouvé que pour la plupart des gens, ils détectent déjà. Pour les adultes, oui, pour l'inhibition en soi, on a développé de différentes procédures qui aident les gens à inhiber de façon meilleure. Et c'est le doute qui est à l'origine du conflit cognitif? Oui, le doute résulte du conflit. Il y a détection de conflit et ce conflit, le fait qu'il y a deux réponses qui sont évoquées par un problème, que tu as activé une connaissance heuristique. Alors le conflit, c'est le doute en soi. Alors ce que je vais vous montrer, c'est juste ce qu'on a trouvé. On a corrélé, on a regardé l'activation du cortex singulaire antérieur, alors le détecteur de conflit neural, disons. Et on a corrélé ce qu'on a trouvé dans des études comportementales. Alors là, on travaille avec des temps de réponse. Les gens qui prennent plus de temps dans des expériences comportementales, est-ce que leur cerveau, leur cortex singulaire antérieur est aussi plus activé ici? Et par exemple, là, sur les copies RMF, qu'est-ce qu'on peut voir exactement? Ici, je montre la détection de conflit au niveau comportemental. Alors, est-ce que les gens prennent plus de temps pour donner une réponse quand ils se trompent dans une version conflit versus non-conflit? Et ici, on a l'activation du cortex singulaire antérieur. Comment est-ce que vous détectez qu'il y a une certaine activation d'une zone cérébrale? Alors, la proportion d'oxygène dans le sang, on peut le détecter avec la machine IRMF. Alors, c'est ça ce qu'on détecte, en fait, la consommation d'oxygène dans le cerveau, dans une certaine partie du cerveau. Ce qu'on a commencé de faire récemment, c'est qu'on s'intéresse à des bonnes réponses. Dans le passé, c'était plutôt on s'intéressait aux erreurs, et maintenant, on travaille sur la nature des bonnes réponses. Chez certains bons raisonneurs, des gens qui donnent des bonnes réponses, eux, ils ne doivent pas inhiber ou bloquer une réponse incorrecte, intuitive. Non, leur réponse intuitive, la première réponse qui est évoquée par le problème est déjà la bonne réponse. Alors, dans le passé, c'était plutôt on s'intéressait aux erreurs et maintenant on travaille sur la nature des bonnes réponses. Voilà ce reportage que je vais vous laisser commenter, Olivier Audet, puisque c'est le laboratoire que vous dirigez, que vous avez dirigé. Oui, alors qu'en effet, quand on a recruté Wim de Nijs du CNRS, qui est un directeur de recherche, c'est pour cette question très originale du doute. Et il montrait que avant d'inhiber, il faut être capable de douter. En effet, dans le cerveau, il y a une région au milieu du cerveau, le cortex singulaire antérieur, qui détecte le conflit. Donc vous vous doutez que vous vous trompez, mais vous n'avez pas encore inhibé votre biais. Et très souvent, on se trompe quand même, tout en doutant. Et si, pour résumer les choses simplement, pour les auditeurs, ça veut dire que, heureusement, nous ne sommes pas des imbéciles heureux. Nous sommes des imbéciles parce qu'on se laisse manipuler, on se trompe, mais on n'est pas heureux. Nous sommes des imbéciles malheureux, c'était la leçon qu'il faut retenir aujourd'hui. Oui, d'accord, mais il faut transformer ce malheur en espoir. Et justement, on détecte le conflit et grâce à cette émotion, on peut déclencher une autre région du cerveau qui est sur la partie la plus latérale du cortex préfrontal inférieur, droit ou gauche, qui elle, est l'épicentre et qui inhibe votre automatisme de réponse. Et donc, c'est toute une chaîne qu'on suit dans le cerveau, doute, inhibition efficace, et on a ajouté pour compléter ces émotions contrefactuelles, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la curiosité et le regret qui aussi aident à inhiber. Et ça, c'est essentiel de le ressentir. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que dans un laboratoire, on discute aussi, avec Wim de Nijs, quand il dit que les bons raisonneurs n'ont rien inhibé, je crois que peut-être les bons raisonneurs inhibent très vite, et de façon inconsciente, et on l'a démontré au laboratoire dans une autre thèse de doctorat, sur une thèse célèbre de Stroop qui teste l'inhibition, que l'inhibition peut être inconsciente, en dessous du seuil de conscience. Et c'est le but de la pédagogie, qu'on ait une inhibition qui soit aussi rapide que nos biais pour les attraper au vol. On va venir tout de suite sur la pédagogie. J'aimerais juste une réaction rapide de Stefano Palmiteri. Oui, donc moi, je partage tout à fait l'hypothèse et la vision que les cortex singulaires antérieurs agissent comme un détecteur de conflits dans l'environnement, et qui donc peut être impliqué effectivement dans l'arbitrage si oui ou non il faut mettre d'autres ressources. Mais je voulais aussi ajouter que c'est probablement pas la seule R qui est impliquée dans l'expression des biais. Ça peut être aussi biais dépendant. Donc par exemple, dans mon laboratoire en 2017, on a publié un article qu'on a répliqué depuis, dans lequel on montrait, donc on étudiait nous un biais de renforcement, c'est-à-dire est-ce qu'on apprend plus de feedback positif et négatif. Donc les résultats comportementaux étaient clairement une surpondération des feedbacks positifs par rapport au feedback négatif. Et après, le feedback, c'est la rétroaction en français. Voilà, c'est la rétraction, pardon. Voilà, c'est le retour, la rétraction. Donc, si par exemple, j'ai choisi une option 1, est-ce que je reçois une récompense, une punition? Donc, ça serait une rétraction positive versus négative. Ah, du courant électrique versus un peu d'eau sucrée. Exactement. Ça, c'est sur les souris, donc, pas sur les êtres humains. Ça, c'est ce qu'on faisait chez les rats. Mais finalement, quand on fait ça chez l'homme, c'est gagner ou perdre de l'argent parce que c'est assez pratique. d'un point de vue éthique. Et, oui, donc ce que je voulais dire, c'est que donc globalement, il y avait un biais de positivité, donc on a défini ça un biais d'optimisme, de positivité. Néanmoins, il était assez variable dans notre échantillon, donc nous avons testé plusieurs sujets, et nous avons pu montrer que l'amplitude de ces biais corrélait significativement, et nous l'avons répliqué depuis, avec l'activité dans le striatum ventral, qui est une aire du cerveau qui reçoit beaucoup de transmission dopaminergique, qui est justement le neuromodulateur qui va le système de récompense. Exactement, dans le renforcement. Striatum ventral qui se situe où dans le cerveau ? Il se situe donc justement non pas dans le cortex, mais c'est un des noyaux profonds, qui se trouve, donc c'est une structure plutôt ancienne qui se trouve dans le sous-cortex. Et donc, moi, je pense que cette chose-là, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il peut y avoir des sources corticales et sous-corticales pour l'expression des baies qui ne répondraient pas nécessairement au même neuromodulateur de la même façon. J'aimerais qu'on aborde, alors malheureusement un peu rapidement, mais tout de même, c'est très important, dans cette époque qu'on définit comme étant si sensible aux heuristiques via les réseaux sociaux, on comprend mieux maintenant, grâce à vous, j'espère en tout cas, la diffusion de ces fausses informations qui font appel de façon excessive à l'heuristique et non pas à nos méthodes d'inhibition. Comment faire, et parce qu'on vous parliez, Olivier Houdet, de l'importance de l'enseignement pour transmettre, pour réimplémenter de l'inhibition et court-circuiter un peu finalement cette tentation permanente de l'heuristique que représenterait aujourd'hui notre rapport à l'information. Voilà, c'est essentiel. Pour moi, c'est l'un des grands enjeux actuels d'éducation publique. Alors d'abord, au laboratoire du CNRS à la Sorbonne, on a démontré qu'on pouvait, par une pédagogie appropriée, entraîner cette inhibition, et on a suivi dans le cerveau des élèves les reconfigurations neuronales qui allaient donc de l'arrière vers l'avant du cerveau. Donc le but de l'apprentissage, c'est de mobiliser son cortex préfrontal qui va envoyer des ordres inhibiteurs vers notamment les régions sous-corticales. Mais comment on fait avec une classe, alors, par exemple? J'y viens. Avec une classe, ben déjà des petits jeux que connaissent tous les profs de maternelle, 1, 2, 3 Soleil, Jacques a dit, Ni oui ni non, sont des excellents jeux d'inhibition. Et nous, on va plus loin. Par exemple, pour les jetons plus ou moins écartés que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, vous pouvez très facilement montrer à un enfant que dans les livres de maths pour petits, ou sur les murs des classes, on présente la suite des chiffres de 1 à 10. Et pour 1, vous avez une girafe, 2, 2 hippopotames, 3, 3 crocodiles. Et ça se fait dans toutes les classes de France et dans tous les livres de maths pour petits, soit avec des fruits, soit avec des animaux. Vous voyez que dans cet exemple, le cerveau de l'enfant va construire une heuristique par détection de régularité entre la longueur et le nombre. Eh bien, il faut prendre ce matériel-là tel qu'il existe, non pas le supprimer, et montrer en regard à l'enfant, une situation comme j'évoquais tout à l'heure où le nombre est le même mais la longueur change. Donc il y a conflit. Dans un cas, l'heuristique marche, dans l'autre cas, l'heuristique ne marche pas. Et de façon très simple, vous pouvez faire prendre conscience à l'enfant comme une illusion d'optique, si vous voulez, mais là c'est une illusion cognitive, que son cerveau le trompe. Mais jamais on ne pense en classe à faire ça. Et ça c'est un exemple pour les maths. C'est important, alors je prends une minute, je vous donne un exemple pour la lecture. Les enfants confondent souvent les lettres en miroir. Le B, le D, le P, le Q. On a découvert en travaillant avec les professeurs des écoles que ça venait aussi d'une heuristique visuelle très adaptative dans l'environnement depuis toujours, à savoir qu'un objet garde son identité, quelle que soit son orientation en miroir. Si un animal ou nous, jadis, nous voyons arriver un prédateur de gauche ou de droite, en quelques millisecondes, on inférait que c'était le même prédateur et qu'il fallait faire attention. Donc, on généralise en miroir et on le fait tout le temps, vous et moi. Vous me voyez avancer dans un sens dans le studio, j'avance dans l'autre sens, c'est toujours le même Olivier Houdet. Eh bien, pour les lettres BD et PQ, ça ne marche pas. Et on a montré comment on pouvait expliquer à l'enfant qu'un objet... une voiture, par exemple, dans deux sens opposés, restait la même voiture et que ça ne marche pas si on met juste à côté les lettres BD ou PQ. Et jamais on ne fait ces choses simples de démontrer au cœur des apprentissages scolaires à l'enfant comment ces heuristiques le trompent. Et nous l'avons fait avec Nathan, une plateforme pédagogique Léa.fr que tous les éditeurs peuvent regarder, une cartographie des heuristiques. Toutes les écoles des académies de France, de toutes les académies de France y travaillent et de francophonie. Donc allez sur Léa.fr, cartographie des heuristiques, j'entraîne mon contrôle inhibiteur. Vous m'avez posé une question trop importante pour la société, je puisse la résumer. Vous avez absolument raison. Vous avez sous-estimé le cœur que j'y mets. Je l'entends bien en tout cas. Merci d'être venu l'un et l'autre nous parler de ces heuristiques, de ces biais cognitifs et de la façon que nous avons de lutter ou d'apprendre à lutter contre, apprendre à résister pour l'école contre la terreur. C'est votre livre, Olivier Houdet, et l'intelligence humaine n'est pas un algorithme, également chez Odile Jacob. Merci beaucoup à vous également, Stéphane Opalminteri. Je rappelle que c'est aujourd'hui la journée mondiale du podcast, donc ce serait dommage de ne pas podcaster tous les épisodes que vous avez ratés de la méthode scientifique, qui vont vous aider aussi à lutter contre vos heuristiques et à apprendre et à découvrir de plus en plus l'univers des sciences et de la recherche. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulf, Francine Lausanne, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Demain, nous parlerons embouteillage, mais à 400 km d'altitude. Il y a tellement de satellites en orbite que le trafic spatial devient de plus en plus périlleux, dangereux et complexe. Nous parlerons donc de bison futé, version stratosphère, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.